Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Raging Bull, le chef-d'œuvre de Martin Scorsese. Ils sont venus et nous ont interrogés sur le personnage. Et je me souviens que quelqu'un a comparé le personnage de La Motta à une coquerelle. De Niro a répondu « Ce n'est pas une coquerelle ». Je suppose que la sincérité ou la conviction qui habitait De Niro lorsqu'il a dit ça a dû les convaincre de quelque chose, je ne sais pas. Martin Scorsese dans le documentaire Raging Bull Before the Fight, un documentaire réalisé par Laurent Bouzereau en 2004. Cette sincérité, cette conviction également avec laquelle Robert De Niro défend le personnage de Jake LaMotta montre à quel point il tient à ce que se fasse ce film racontant la vie du célèbre boxeur. On peut dire que De Niro a eu raison de croire en ce projet. Sa performance dans le film va lui valoir l'Oscar du meilleur acteur et Raging Bull, comme un taureau sauvage en français, a été classé au 4e rang des meilleurs film de tous les temps par l'American Film Institute. Extrait d'une scène de combat tirée du film Raging Bull pour nous raconter la petite histoire derrière ce grand film. Je reçois la chroniqueuse cinéma Hélène Faradji, qui est également édimestre à la section cinéma du site web de Radio-Canada, autrice du livre Le cinéma américain, publié dans la collection Aujourd'hui l'histoire de Septentrion. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait, Hélène Faradji, de ce film Raging Bull, comme un taureau sauvage en français, le grand film qu'il est? Mais c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est un film de boxe, mais derrière cette apparence-là se cache un grand film tragique, une étude de caractère qui est presque shakespearienne, j'ai envie de dire, parce qu'on y raconte l'ascension et la déchéance d'un homme, ce fameux boxeur, Jake LaMotta, qui va principalement mener un combat contre lui-même, contre ses propres démons. C'est un film qui est mis en scène avec une maestria folle par Martin Scorsese, qui va même dire que c'est son film préféré, alors que le sujet ne l'intéressait pas tant au départ. C'est une performance absolument inoubliable de Robert De Niro, un montage prenant. D'ailleurs, la guilde des monteurs l'a désigné comme le film le mieux monté de l'histoire. Il y a cette musique incroyable, des scènes de boxe superbes. Puis c'est surtout une réflexion sur la masculinité, la jalousie, la violence. Et j'ai envie de dire que tout ça mis ensemble fait de Raging Bull un film fondamentalement complet. Rends-moi un service. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Quoi ? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Fais pas chier. Non, mais je veux que tu me tapes dans la gueule. Vas-y, mais si tu t'appêches. Je te dis, fais pas chier, je le ferai pas. Alors quoi, t'es mon sparring partner ? Pourquoi ça t'ennuie de me taper dans la gueule ? Tape-moi dans la gueule, allez, vas-y. Non, quoi, fais... T'as peur ? J'ai peur de quoi ? Allez, fais pas ta pédale, vas-y, frappe-moi. Je suis pas une pédale. Mais si t'appêches, hein ? Oh merde, Jake, faut vraiment que tu sois con pour vouloir que je te martèle la gueule. Hé, hey Joey, qu'est-ce que je viens de te dire de faire, hein? Je te le répète encore un coup, vas-y, fais-le. Écoute, là, non, zéro. Hé, je suis ton frère aîné, Joey. Je te demande de le faire. Je sais ce que t'as dit et c'est non. Tiens, allez, prends ça. Quoi? Oui, ça, là, le torchon. Enveloppe pas la main dedans. Combien de fois faut-il que je te le dise? Ça commence à bien faire. Allez, vas-y. Tu veux vraiment que je cogne? Je veux que tu me frappes pendant de toute façon. Je veux que tu me foutes la gueule en miettes. Allez, vas-y, cogne. Ouais, vas-y. Plus fort. Allez, vas-y, t'as autant de pêche qu'une folle qui se fait taper dans la lune. Frappe, allez. La cogne. La cogne. Plus fort. Ça, allez, vas-y, plus fort. Plus fort. Non, tes blessures se sont rouvertes et tout le Bataclan. Tu veux me dire où ça te mène, ça? Mais où ça te mène, dis-moi? Alors, on en a une petite idée avec ce qu'on vient d'entendre. Hélène Faradji, c'est bien sûr Raging Bull, l'histoire d'un boxeur, l'histoire de deux frères aussi, puis beaucoup plus que ça encore. Que raconte ce film-là, en quelques mots, Hélène? En fait, l'histoire se situe entre 1941 et 1964 et on va vraiment suivre les hauts et les bas dans la vie de Jake LaMotta, qui est un champion de boxe poids moyen, son frère et son gérant, et il vit avec sa jeune épouse, Vicky, qu'il va tyranniser durant tout le long du film, jusqu'à finir par complètement passer à côté de sa carrière. Et à la fin de sa vie, il est devenu gérant d'une boîte de nuit. Il finit bouffi, assez désagréable. Et Jake LaMotta, en fait, il a véritablement existé. C'était un boxeur italo-américain qui est né en 1921, qui a une fiche de 106 combats contre 83 victoires. Et le film est adapté, en tout cas en partie, de sa biographie qu'il publie en 1970, qui s'appelle My Story, mais qui va évidemment être charcuté pour les besoins de la cause romanesque. Oui. Donc évidemment, le parcours de ce boxeur, ça c'est la trame de fond, c'est l'histoire de ce champion que raconte le film, mais c'est plus que ça aussi. C'est l'histoire d'un homme, d'un homme plus grand que nature, d'un sacré personnage, on l'entendait là il y a un instant dans l'extrait qu'on entendait justement, et c'est ça que ça raconte. Un homme qui se bat contre ses adversaires, mais contre lui-même aussi. Absolument, parce que Jake LaMotta, c'est un champion, mais il a une particularité, c'est qu'il est rongé de l'intérieur. Hein. Il est paranoïaque, il est impulsif, il est violent, il est brutal. Et on a le sentiment tout au long du film qu'il n'y a aucune victoire sur le ring qui est capable d'apaiser ces démons-là. Et ce qu'on voit principalement, c'est un homme en train de s'autodétruire. D'ailleurs, Scorsese va parler de lui comme d'un homme qui s'autodétruit, lui et ceux qui l'entourent, de façon méthodique. Mais ce qui est très intéressant avec Raging Bull, c'est que cette autodestruction, elle n'est pas expliquée. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de flashback qui viendront nous dire pourquoi il est comme il est. Et c'est plutôt une plongée au cœur de son âme qui est extrêmement torturée et qui nous fait assez vite réaliser que cette violence qu'il expérimente sur le ring, mais c'est exactement la même qu'il expérimente quand il n'est pas sur le ring dans sa propre vie. Ouais. Parlons un petit peu des circonstances qui vont mener au tournage de ce film-là, en commençant par Martin Scorsese. Vous le disiez au tout début de l'émission, au départ, il n'est pas très allumé face à ce projet-là. Il en est où dans sa carrière, Scorsese, quand il tourne Raging Bull? En fait, c'est De Niro qui va proposer le film d'abord à Martin Scorsese. C'est lui qui lit l'autobiographie. Il va lui proposer en 1974, mais Scorsese refuse. Refuse parce que il trouve que la boxe est un sport plutôt ennuyeux. Il aime plutôt le sport de façon générale, mais pas la boxe. Donc, il préfère passer et à la place, il va y avoir un lot de consolation assez sympathique pour Robert De Niro puisqu'il va lui offrir Taxi Driver. Ouais. Donc, ils vont faire Taxi Driver ensemble. Ils vont faire New York, New York. Mais De Niro ne lâche pas et lui propose encore une fois en 1978, alors que Scorsese est en train de finaliser son documentaire musical The Last Waltz, et surtout parce que la mode à ce moment-là est au film de boxe. À la fin des années 70, Rocky numéro 1 et numéro 2 vont avoir enflammé les box-office. Il va y avoir eu des films de série B comme The Champ, The Main Event, qui vont remettre le film de boxe à l'ordre du jour. Et donc, en 78, les circonstances vont faire que Martin Scorsese va enfin accepter. Ouais, et c'est en fait des circonstances très spéciales qui vont le conduire à dire oui à De Niro. Il se retrouve à l'hôpital, Scorsese. Robert De Niro vient le voir et c'est là que tout se joue. Exactement, et ça pourrait presque faire l'objet d'un film tellement cette histoire est incroyable. En fait, à la fin des années 70, Scorsese, il est assez mal en point. Il vit une vie de vedette, de rockstar, mais New York, New York, qu'il vient de réaliser, est un échec. Il est en plein doute et surtout, il a une consommation de cocaïne assez effrénée. Or, il est asthmatique. Ça ne fait pas très, très bon ménage. Et lors d'un festival de cinéma, il va faire un malaise assez terrible qui va faire qu'il sera rapatrié rapatrié à New York en urgence. Il va passer 10 jours à l'hôpital. Il frôle la mort. On dit qu'il pèse 49 kilos à ce moment-là. Et c'est sur son lit d'hôpital que Robert De Niro vient le voir et lui redonne l'autobiographie de Jake LaMotta en lui demandant « Est-ce que tu veux mourir ?» Et là, Scorsese comprend que ce n'est pas un film sur la boxe, ouais. mais c'est un film sur l'autodestruction. C'est un film sur la possible rédemption de quelqu'un qui a ruiné sa vie. Et il a l'impression d'enfin comprendre intimement ce personnage-là. Et là, ils vont pouvoir se mettre au travail et finaliser Raging Bull. C'est ce destin, au fond. Il découvre qu'il y a plus que l'histoire d'un champion de boxe, qu'il y a un drame humain important. Et c'est ça qui l'intéresse, au fond. Tout à fait. C'est vraiment cet aspect-là. Il va même dire, après avoir réalisé Raging Bull, qu'à chaque fois qu'on fait un film, c'est comme si on montait sur un ring. Donc, il va vraiment comprendre intimement ce qu'a vécu Jake LaMotta, parce que c'est quasiment la même chose que ce que lui a vécu en tant que cinéaste. Donc, arriver très, très haut et avoir une tendance à s'auto-détruire, à ne pas se faire confiance, à être peut-être plus vulnérable qu'on le pensait. Et donc, il va pouvoir enfin s'approprier cette histoire au-delà même de la boxe. Ouais. On revient à De Niro parce que c'est vraiment son projet. C'est lui qui porte ce projet-là sur ses épaules dès le départ. Et c'est un projet dans lequel il va énormément, physiquement, il va énormément s'investir dans ce film-là. Racontez-nous un petit peu le degré d'engagement et d'implication que De Niro va mettre dans ce projet-là. Effectivement, dès qu'il lit l'autobiographie en 1974, De Niro est persuadé qu'il y a là un personnage de cinéma absolument fabuleux. Il est complètement passionné. Il va vraiment faire en sorte que ce film se fasse. Et dès que Scorsese va dire oui, De Niro va s'impliquer au-delà même du contrat habituel des acteurs. D'abord, il va s'entraîner avec le vrai Jake LaMotta. Et Jake LaMotta, c'est amusant d'ailleurs, va être assez impressionné par les qualités de boxeur de De Niro et va l'inscrire de façon anonyme dans différents combats. Il va en gagner 3 tout de même sous un faux nom, mais c'est surtout en termes d'implication physique que l'implication de De Niro est remarquable, parce que ce personnage, d'abord c'est un personnage très musclé lorsqu'il est champion et très gros à la fin de sa vie, et donc De Niro va d'abord gagner 20 kilos de muscles pour ensuite ajouter 27 kilos de gras. Et il va dire que ce travail-là, il l'a fait lors d'un voyage en Italie et en France où il s'est nourri de façon assez conséquente et que ça n'a pas l'air aussi agréable qu'on pourrait l'imaginer. Bon, il s'empiffre en fait, il y a des témoignages des gens qui l'ont suivi en Italie qui n'en reviennent juste pas. Tout ça pour le rôle, pour la crédibilité de ce rôle-là. Ça va payer, cela dit, pour lui, parce qu'il va remporter l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Raging Bull, Robert De Niro. Il y a de nombreuses scènes du film, d'ailleurs, qui sont devenues des classiques grâce, justement, à la performance de De Niro. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de cette fameuse scène où Robert De Niro y va de son célèbre « I'm not an animal »,« Je suis pas un animal », c'est ce qu'on vient d'entendre. Et on l'entend bien, Hélène Faradji, le « Raging Bull », le taureau sauvage dans cet extrait qu'on vient de présenter. Que dire de cette performance de Robert De Niro dans « Raging Bull » ? Oh, elle est incroyable. Bon, évidemment, ça lui a valu l'Oscar du meilleur rôle, mais c'est vraiment une performance qui va bien au-delà de l'implication physique ou des scènes de boxe. Il rend parfaitement ce que vit cet homme-là, c'est-à-dire un homme qui est enfermé en lui-même, qui est rongé par sa propre violence, sa jalousie, sa paranoïa. Et ce qui est intéressant, c'est que cette performance-là, ben, elle est repoussante parce que cet homme-là, il n'est pas aimable, il n'est pas attachant et pourtant, on ne peut pas détourner le regard de la performance et de l'homme qui l'est incarné. Cette colère qui affleure à chaque moment, elle est aussi doublée d'une sensibilité, d'une vulnérabilité que l'on sent constamment. On a écouté cette scène de « Je ne suis pas un animal », il y en a d'autres dans le film, celle par exemple où il se dispute avec son frère en l'accusant d'avoir couché avec sa femme, ce qui est parfaitement faux, mais il devient complètement fou. Et apparemment, après une première projection, Jake LaMotta, qui évidemment a vu le film, mais il aurait été perturbé de se voir de cette façon-là, de se voir si dur, si violent. Et il aurait demandé à sa femme si ce portrait-là était vrai de lui. Oui. Et sa femme lui aurait répondu « Non, tu étais pire ». Donc voilà ce qu'on peut imaginer de ce qu'elle a enduré en vivant avec lui. Et il faut dire que c'est une partie importante du film, cette grande, grande violence. Et c'est beaucoup sa femme, effectivement, qui écope, mais cette rage-là qu'il a en lui et qu'il déverse sur sa femme. Oui, absolument. Il a son frère aussi, mais la principale victime, j'ai envie de dire, de cette rage-là, ça reste lui-même, puisqu'il se coupe de tout ce qu'il aime. Il finit complètement seul, mal aimé. Il essaye de s'inventer une nouvelle carrière d'acteur, mais on sent bien qu'il est passé à côté de la vie qu'il aurait voulu avoir. Et c'est ce qui, je pense, le rend si fascinant, ce personnage-là, c'est que on le voit tout gagner et tout perdre en même temps, d'une certaine façon. Ça le rend très, très émouvant. Septième reprise avec un Sugar Ray qui mène largement. Il faut que LaMotta vainque par KO. Crochet du gauche à la mâchoire. Et Robinson est descendu sur le coup pour la deuxième fois dans sa carrière. Il avait déjà été au tapis dans le combat précédent. LaMotta regarde l'arbitre compter avec Sugar Robinson. Robinson essaie de se relever. 7, 8. Le voilà debout de nouveau. L'arbitre lui essuie les gants. Il est sonné. LaMotta est déjà sur lui. Malgré son knockdown, Robinson mène largement au point. Il décoche un gauche à la mâchoire. Conçoit de Robinson. À la face, LaMotta. S'il vous plaît, un peu de silence. Le juge Joe Lanaham accorde 8 reprises contre 1, plus 1 à égalité à Sugar Ray Robinson. Un mot sur les scènes de combat dans Raging Bull, Hélène Faradji. Elles ne sont pas si nombreuses, étonnamment, ces scènes de combat, mais elles sont intéressantes sur le plan cinématographique. Parlez-nous de ça. Qu'a en tête Martin Scorsese quand il tourne ces scènes de combat? Ben, en fait, pour se préparer, Scorsese s'est forcé à regarder des matchs de boxe à la télévision et il raconte que ce qui l'a frappé, c'était les cordes et les éponges imbibées de sang. Donc vraiment la violence, l'idée qu'un match de boxe, c'est au fond presque des gladiateurs modernes. Et d'abord, ça lui fait comprendre que pour bien capter cette violence-là, cette rage et cette autodestruction de Jake LaMotta, bien, il ne peut pas filmer la boxe depuis le point de vue des spectateurs comme on le fait d'habitude. Il faut que sa caméra soit directement sur le ring, au milieu du match avec les boxeurs. Et ça change tout. Oui. Parce qu'effectivement, on a 15 minutes de scène de boxe dans ce film, mais elles sont inoubliables. Parce qu'on a le sentiment d'y être, d'être vraiment au cœur de l'action, de comprendre exactement ce qui se passe. Et Scorsese va avoir la bonne idée de mélanger une approche à la fois hyper réaliste et ultra stylisée. Parce que, le réalisme, il va y avoir par exemple des vrais arbitres, des vrais annonceurs du monde de la boxe qui vont participer au film. On l'entendait dans certains extraits, on va parler de certains matchs qui ont existé contre Cerdan, Joe Louis, Sugar Ray Robinson. Et on a ce sentiment sur le vif. Mais en même temps, on a aussi des scènes de boxe, en tout cas certains passages qui sont au ralenti, un peu comme si tout ça était une chorégraphie assez sanglante. On a cette musique extraordinaire de Pietro Mascagni qui rend la vision des scènes de boxe lyrique. On est presque dans un opéra. Et ça, on l'entendait bien là au tout début de l'émission, le premier extrait d'un combat de boxe. C'est effectivement, c'est presque qu'une scène d'opéra, vous avez raison de le dire. Exactement, on est vraiment dans quelque chose de presque imaginaire. Et puis, on a beaucoup travaillé sur les sons aussi pour les rendre percutants. Et le bruiteur de Martin Scorsese, en fait, a utilisé des bruits d'animaux comme des barrissements d'éléphants et en utilisant aussi beaucoup le silence pour décupler les effets de ces scènes de boxe qui sont effectivement inoubliables. Ouais. Donc, des scènes de boxe tournées de manière admirable, de manière unique. On avait, je pense, à peu près jamais fait ça au cinéma, mm-hmm. sur grand écran. Et pourtant, on revient à ce que vous nous disiez un peu plus tôt. Au départ, ce n'est pas la boxe qui intéresse Scorsese. Ce qui fait qu'il embarque dans ce projet, c'est le personnage de la Motta, c'est ce combat qu'il se livre à lui-même. Et ça fait tout ça que, au-delà de cette virtuosité dans les combats de boxe, sur le plan technique et cinématographique, ça fait que ce film-là est non seulement pas qu'un film sur la boxe, mais un film qui est très cohérent avec l'œuvre de Scorsese. Complètement, et c'est fou de penser que c'est vraiment un sujet qui, au départ, ne l'intéressait pas, et pourtant dans lequel on est capable de thématiquement retrouver toute l'œuvre de Martin Scorsese. Hein. Et on retrouve tous ces thèmes. D'abord, évidemment, à commencer par la violence, parce que c'est très facile de tirer des parallèles entre Jake LaMotta et Travis Bickle, par exemple, de Taxi Driver, ou même Johnny Boy de Mean Streets. Il a cette faculté, ou en tout cas cet intérêt pour des personnages d'hommes très impulsifs, souvent injurieux, qui ont peu d'éducation, qui en plus doivent se débattre avec une culpabilité catholique qui vient de Scorsese lui-même. C'est dans quasiment tous ces personnages masculins. Il retrouve aussi le grand thème de la jalousie qui était au cœur de New York, New York, son film précédent, ouais. hein, avec cette idée que le couple, finalement, c'est un endroit qui peut être extrêmement dangereux, qui est pétri de violence, de colère. On n'en parlait pas encore à l'époque, mais Jake LaMotta, c'est une figure de la masculinité toxique, si on veut. Hein. On est dans la brutalité, dans l'insécurité aussi. Et puis, bien sûr, le grand thème de Martin Scorsese qu'on retrouve dans Raging Bull, c'est celui de la famille. Que ce soit Mean Streets, Les Affranchis, Casino, tous ces films sont en réalité des films de famille. Et cette fois, il plonge peut-être encore plus creux dans la cellule familiale, donc avec cette relation entre Jake LaMotta, sa femme et son frère. On a l'impression qu'ils vivent presque tous les trois ensemble dans des tout petits appartements. Et la relation fraternelle entre Joey et Jake LaMotta, elle est fondamentale au film. D'ailleurs, c'est le film qui a aussi révélé un des grands acteurs de Scorsese, c'est Joe Pesci, qui a complètement été révélé par Raging Bull. Oui. Donc, grand film qui a été important dans la carrière de quelques personnages, De Niro, Scorsese, Pesci. Et je le rappelle quand même, c'est pas rien, quatrième au rang des meilleurs films de tous les temps selon l'American Film Institute. Hélène Faradji, chroniqueuse cinéma et dimestre à la section cinéma du site de Radio-Canada, autrice, je le rappelle également, du livre Le cinéma américain, publié dans la collection Aujourd'hui l'histoire de Septentrion. Merci infiniment, Hélène. Merci. Un immense merci à vous, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.